Line-in ce soir, cette nuit, à partir de maintenant, le 24 juin, c'est notre anniversaire. Alors, je tiens à souhaiter à tous les Québécois, à toutes les Québécoises, une bonne fête du Québec, une bonne fête nationale. Et comme à la toute fin de mes émissions, il y a René Lévesque qui dit « Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, attendez, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Mais là, c'est notre fois. C'est notre chance de devenir enfin un jour un pays francophone dans un océan anglophone. C'est le moment de choisir dans les années qui viennent notre Québec. Cause des niaises, Simonac. Aujourd'hui, le lundi 24 juin 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Oui, mon kiki, vas-y, vas-y, vas-y. Prochaine fois, ouais. On va l'avoir, notre pays. Je te le jure. Fie-toi sur moi. J'y travaille fort depuis des années. Au studio des abeilles dans la ville capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la vieille lumineuse, le farfadet du surréalisme, le club le plus imprévisible dans le cirque médiatique actuel, à notre Rénald Gagné! Dans le cercle médiatique actuel, voilà. J'aurais dû apprendre et faire avant combien sont ces six ou six sont six. Ces six ou six sont six ou six sous. Alors, Québécois, Québécoises, je vais vous poser cette question parce que c'est important d'y répondre là, maintenant. Et puis, il y en a un qui se l'est même accaparé, il l'a même utilisé. Oh, aïe donc! Pour, je viens de perdre une vis cérébrale, non sérénale. Est-ce que tu deviens-tu ce que tu as voulu? Et là, je le pose à mon Québec. Hein? As-tu, sincèrement, j'ai choisi le bon disque, moi, là. Ah oh, oui, c'est ça, c'est le bon. La dixième, deviens-tu ce que tu as voulu? Tu mets la dixième, ça? Hey, toi! 1, 2, 3, 10. Deviens-tu ce que t'es. Ah oui, pourquoi c'est. Qu'est-ce qui est écrit dans le. OK. 10 000 quoi? 10 000, hein, monsieur. 10 000 matin. Peut-être un peu moins. Je vois plus clair. Morion, Dissidilu, Malimu, Digué. On dirait le poète que j'adore. Diguer, d'en dire, puis d'aller, d'en faire, puis d'aimer, puis de débouler dans le grand bout. Bon, alors, deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? As-tu fait ce qu'il aurait fallu? Ma maman pensait, mon papa aussi, que pour être aimable et aimer d'autrui, pour aimer ce qu'on fait, pour aimer sa vie, faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Pis le faire à fond, pis mettre le prix, pis être dur parce que c'est pour ça que tu vis. Pis quand t'aimes pour vrai, quand t'aimes la vie, dis qu'est-ce que tu penses, pis pense donc qu'est-ce que tu dis, t'sais. C'est là qu'on se rend compte si t'es un front, ou ben donc si t'es un roadie. es-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu? Ma maman y pensait, mon papa me l'a dit. Ce qu'il y a de plus dur, c'est d'être simple dans la vie. T'auras beau dire non, t'auras beau dire oui. Y'a du monde qui aime pas ça, que t'aimes ta vie. Y'a du monde qui va peut-être te traiter de pourri. Parce que tu passes, parce que tu choisis. Tu peux rien faire s'ils ont pas compris que t'es aimes pareil, même si t'es parti. T'sais, ça va t'arriver de pas dormir. Ça va t'arriver d'avoir le goût d'haïr. Ça va même t'arriver de douter de toi. Deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu? Confirmé. Zéro. Nous ne pouvons confirmer votre identité pour le moment. Identité. Confirmé. Zéro. Confirmé. Zéro. Nous ne pouvons confirmer votre identité pour le moment. Confirmé. Zéro. Ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu? Ça, c'est la structure interne d'un pays qui se cherche depuis des années et qui n'ose pas s'affirmer et qui deviendra toujours peut-être pendant de toutes les autres structures dans la francophonie et malheureusement dans le milieu anglophone. Et c'est ainsi qu'on essaye de bouger, de se frayer un chemin, de prendre sa place, la place que l'on doit avoir et prendre dans cette société actuelle qui nous parle. Non, je ne suis pas en train de lire un manifeste. Non, c'est de l'improvisation. Oui. Oui, parce que là, je cherche le disque de Daniel Boucher pour le remettre dedans, histoire de ne pas, le briser. Mais là, j'ai rajouté d'autres disques parce qu'il y a l'improvisation actuellement, c'est au niveau musical. Parce que je vais vous dire franchement qu'est-ce qui s'est passé. Ça va bien, vous? 24 juin, bonne fête. Je t'embrasse. Oui. Oh, sur les deux joueurs, ouais, donc, il n'y a pas d'économie de moyens, puis d'amour, puis de sensations à se dire je t'aime. Chacun dit je t'aime, chacun dans ses bras oublie les problèmes, mais n'oublie pas les miens. Chacun dit je t'aime, chacun dans ses bras oublie tes problèmes. Mais surtout, ne me l'oublie pas, ne me l'oublie pas, ne m'oublie pas. En ce 24, si vous avez des enfants, l'intérêt, c'est de leur faire vivre ça d'une manière féerique en écoutant un album mythique, Une fois cinq, avec Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, puis il m'en manque un, Yvon Deschamps. Je chantais d'Yvon Deschamps, puis j'oubliais de le nommer. Yvon, je m'excuse infiniment. Il s'en foutu, lui-là, là, que Rénal parle de lui à cet instant précis. Il s'en balance. Mais j'aime ça comme ça. Excusez-moi, j'ai... Oui, je me suis étouffé. 14. Est-ce que j'ai bien ça? C'est 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça prouve que je me suis trompé de 10. Merci, madame. Non? Tout le monde m'aide ce soir. Parce que tout ce qui était musical... Bon, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que lorsque j'ai préparé ça, longtemps d'avance, hein, mes invités, tout ça, puis la musique. Je lui ai dit, bon, qu'il est 24 juin, sans cliquer, sans me dire que le 24 juin, c'est notre fête nationale. Donc, toutes les chansons que j'avais prévues, je ne mettrais pas ça. Pour une fois, je vais me réveiller, puis je vais offrir, non pas un florilège, parce qu'il y a tellement de belles chansons, il y a Bozo les culottes, il y a même des chansons récentes, il va avoir Avec au podcast, il va même avoir mon ami Aimé Major, plein de personnes que j'adore, que j'embrasse de partout. Et puis, ben, je pouvais pas laisser l'espace sans cette apparition sonore, celui qui nous a donné la chance et les moyens et l'intelligence de nous placer dans la francophonie un peu plus haut, un peu plus loin. Nous nous offrons ce cadeau. Bonne Saint-Jean, mes amis. Vive le Québec. Vive le Québec amoureux, ouvert aux autres. Un peu plus haut. Un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Cœur de mon bras, et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, et tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut. Et je suis là, là-haut. Si je ne tombe pas, non, j'y suis. Je ne tombe pas. Oh, c'est bon, c'est bon. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La mer, plus petite que moi. Mais tu ne me vois pas. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut. Essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Mais tu es trop loin. Je suis trop bas. Encore un pas. un petit pas, tu es trop loin, je t'aime. Adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. Oh, oh, c'est bon. C'est bon. Plus loin. Je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres sujets, d'autres avances. C'est beau. C'est beau, Jean-Pierre. C'est beau. Imaginez-vous que ce que vous avez entendu, c'est la version que j'ai diffusée lorsque ma mère est décédée. Et voilà. Jean-Pierre Ferland, notre père. Bon, pour certains, c'est Félix Leclerc, ou il a raison, puis même Jean-Pierre parlait de Félix comme étant le père. Mais enfin, notre ami. Jean-Pierre, c'est notre ami. Et puis, je tiens à vous dire que, d'après moi, là, c'est vraiment un grand canadien, c'est pas... Bon, j'improvise là, oui, hein, rien n'est préparé. Même les chansons qui suivent ne se ressemblent pas. Mais ça ne sera pas des personnages, mais peut-être aussi, il y en a qui vont arriver, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais pour moi, le Québec, c'est pas patriarcal. Ben non, c'est les mères qui tiennent ce pays-là entre leurs mains. Parce qu'elles sont patientes, contrairement à beaucoup d'hommes. Elles sont réconfortantes. Les hommes aussi le sont. Mais elles ont la sensibilité et surtout, sans doute, la patience qu'un jour, nous deviendrons un pays. Et puis, sincèrement, entre vous et moi, on sent bien réconforté de savoir que, ben, hey, maman est là. C'est vrai. Entre vous et moi, on a moins peur. On se dit, hey, elle veille sur nous, mais elle doit avoir hâte de devenir une adulte et un pays. 25 ans dans la cuisine, les couches et les commissions. Le ménage, le lavage, le repassage puis les repas. Les enfants mettent même pas leur linge sale dans le panier. Bien sûr, maman est là, ben, hein, maman, ah oui. Apporte-moi donc une bière, viens donc voir mes devoirs. Oublie donc pas de recoudre les boutons de mon manteau. Pourrais-tu faire les comptes puis mon rapport d'impôt? Bien sûr, maman est là. Et lui prend son bonbon tous les vendredis soirs. L'air de mettre un 30 sous dans sa machine à coke. Quand la machine veut pas, il prends son coke ailleurs. Sans coke ou sans cognac, ça dépend des humeurs. Mais elle sort les vidanges, puis elle s'occupe du chat. La première à se lever, la dernière à se coucher. A pas le temps d'être malade, a trop d'ouvrage pour ça. Bien sûr, maman est là. Un soir ils sont rentrés, maman n'était plus là. Ni le lendemain soir, ni le surlendemain. Au bout de quelques temps, les enfants l'ont revue. Plus jeune et plus jolie qu'il ne l'avait connue. Mais lui n'a jamais su, ni pourquoi ni comment. La femme qui le servait avait sacré son camp. Un film américain sans le baiser de la fin. The end. Et puis voilà, voilà. Ah ben oui. C'est Sylvain. C'est Sylvain. Sylvain Lelièvre, un gars de Québec, un gars de Limoilou, un gars qui a vibré en parlant, en regardant la Haute-Ville, en parlant de la Basse-Ville, en faisant de toutes ses chansons une poésie extraordinaire, dure à égaler, parce qu'il s'est penché sur nos idées, sur nos tracas, sur notre vie de Québécois à Québec. Et je l'embrasse. Malheureusement, il n'y a pas l'espace qu'il mérite. Il a une petite place à Limoilou, mais ouf, que c'est gênant de se promener avec des amis qui ne sont pas de chez nous, de la ville de Québec, et de leur dire, ben ça, c'est la place que la ville de Québec a voulu donner à Sylvain Lelièvre. Ben, voilà. Mais vous savez que quand on vient chez nous, hein, au Québec, surtout les gens de partout, là, mais quand je vais en France, bon, je vais arrêter de radoter, mais bon, il y a tu radotes quand même, mon Gaétan, tu radotes, c'est Rénal. Ah, Rénal Gaétan, tu diras bonjour à Rénal. Ben, il est là. Il est où? Il est là. Il est où? Ben, c'est moi. Ah, Rénal, Rénal. Rénal, bravo pour tes émissions. C'est vraiment assez des beaux programmes. Ah, moi, ces programmes-là, je les manque pas, là. Puis si, malheureusement, tu sais, le temps, on est pris dans un monde tellement flou et plus flou que fou. Mais je t'écoute en rediffusion, parce que tu vas m'aimer, en balado-diffusion. Ah, mon doigt, en balado-diffusion. C'est-tu beau, ça? Balader en entendant des diffusions sonores. Balado-diffusion, courriel. Oh, vive le français au Québec. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire, Nancy? Ah oui, tu disais, mais Major, toi, tu t'es trompé. C'est Catherine Major. Ah, ben oui, ça m'arrive. Ah, ça t'arrive rarement, très souvent. Ah, je voulais pas te le dire. Je sais que tu es un gars très sensible. Sensible, moi. Tu me dis encore sensible, mais m'a pleuré. Ah, ben vas-y, le verse en une. Ben, OK, mais tantôt, à la fin. À la fin de ta vie? Ben oui. Bon, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ça, mais là, c'est pas moi dont il s'agit. C'est de mon Québec. C'est de mes amis qui croient que nous allons forger à un moment donné. Un moment donné, on va se le donner, ce moment-là. On a-tu le droit de se le donner? Ah, ben là, très bonne question, mon Gaétan. C'est Rénal. Rénal Gaétan. Mais ça se mal. Non. Tu sais, si c'est Jean-Pierre, ça colle bien. Mais Pierre-Jean aussi. Pierre-Jean, ça va. Mais exemple, Pierre Caillou, ça marche pas. Ben non, c'est pas parce que c'est une pierre que c'est un caillou, mais c'est bon. C'est une bonne analogie. C'est une belle analogie. Mais lâche-toi de ta rénalité parce que. Non, mais ce qu'il faut ici. Mais en plus, on se compare. Mais On nous compare souvent aux Belges par l'humour. Hein? Ah, j'ai l'humour belge et le cœur québécois. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais c'est Catherine Major et non pas Aimé Major. Aimé Major, ça, c'est un chanteur aussi, mais d'une autre époque. Que j'ai rien contre les autres époques. Moi, écoutez, on va entendre peut-être la chanson un peu plus âgée, un peu plus vieille, un peu plus... ancré dans les racines, quoique podcast, là, c'est très mal. Peu importe. Puis on parle assez beau, hein, parce qu'on divague, puis c'est ça le but de l'émission. Et puis je voulais pas non plus faire quelque chose de stagnant, puis de un peu protocolaire. T'sais. Quand c'est proto, c'est très colère, puis je veux pas me mettre en rogne, là, pour une fois, parce que je bouille facilement depuis quelque temps. Puis ils m'ont dit, mon rénal, fais attention à ça. Parce que quand tu bouilles, là, on rattache quelque chose à ça, une maladie qui est, j'ai dit, voyons donc, laquelle? La démence. Mais voyons donc. Ben oui, si tu t'en... anciennement, c'était pas ça. Là. Oui, je vais me pomper. Anciennement, c'était pas... Pourquoi à chaque fois? Mais là, parce que t'es plus enflammé, t'es plus endiablé, t'es plus hors de toi-même et tu risques d'avoir ça... C'était pas... Non, c'était d'avoir des convictions. Aujourd'hui, non, pas besoin... T'as plus besoin de... Tu dois plus en avoir de convictions, sinon, on va te trouver une maladie mentale. Hein? C'est facile, ça? Pourquoi? Pour vendre des Popperman. Les Popperman, c'est qui vend ça normalement? Une clinique, là, tu vois, dans une clinique médicale. En bas, pas très loin, là, deux pas de là, il y a quoi? Une pharmacie pour te vendre des Popperman. Qu'est-ce que ça fait, la Popperman? Ça dérange d'autres secteurs de ton cortex cérébral. Hein? Tu en prends une pour guérir ça, mais ça dérange une autre affaire. Puis là, ils te font prendre une autre affaire pour une autre affaire. Après ça, c'est une autre affaire, puis à la fin, c'est... Les gens qui viennent au Québec, hein, qui, sinon on revient à ça. Non, il est sorti de son être, il est sorti de son corps. Il est démentiel. Il est comme l'émission satanique sur CKRL. Démentiellement vôtre. Ah, mon Dieu. Hey, quand il commence ça, il ouvre son micro, là. Mon animateur préféré de Démentiellement vôtre, là. Tu vois... Tous les diables vont rentrer en même temps. Puis ils se promènent dans tout l'édifice de CKRL, dans la station. Puis ils rentrent, puis ils sortent. Puis ils peuvent faire n'importe quoi. Eux autres, pas besoin de porte. Ils passent à travers tout. Puis ils écoutent la musique, puis ils aiment ça. Démentiellement, oh, CKRL, Rénal Gagné, Rance Rénaldienne. Non, c'est pas démentiellement. Non. Mais j'aime bien faire des clins d'œil aux émissions que j'adore. Et puis, ouais, les gens qui viennent nous voir, ben, on va le dire, aiment bien ce qu'ils disent là, en sortant, là, en prenant l'avion puis en atterrissant dans leur pays, là, dans leur patelin, c'est de dire « Hey, c'est des grands espaces. Hein? » Bachung, il en a même chanté. Lui, il ne faisait pas allusion au Québec, là, mais des grands espaces. Et puis, mon ami, pas Aimé Major, mais Catherine Major, en a fait une chanson. Hein? Tout ça pour arriver à ça, c'est pas merveilleux, ça? Vas-y, ma Catherine, t'es belle, t'es brillante, puis t'es aussi talentueuse. Tu veux de l'espace, de la pesanteur. Terre à deux, au ciel, au Dieu, mais t'as trop peur. Tu veux de l'espace, un vent de face, qu'enfin s'efface toutes les traces de notre bonheur. Tu veux de l'espace à l'intérieur, une crevasse. Près du cœur, pour que j'y passe, pour que j'y meure. Tu veux de l'espace, de la pesanteur, des yeux livides, porteurs d'ailleurs, un peu sordides. une crevasse tout près du cœur pour que j'y passe, pour que j'y meure. Tu veux de l'espace à l'intérieur, une aire de glace tout près du cœur pour que j'y passe, pour que j'y meure. Je l'adore, je l'embrasse, une pianiste, une intellectuelle, une femme, une poétesse. Mais là, c'est l'heure. Ah ouais, Richard! C'est pas Richard de Léo Ferré, là, quoique peut-être. Richard! Oh, je dirais pas il est quelle heure, mais c'est l'heure, tu m'as dit, hein? C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de nous faire raconter ce qu'on doit devenir, ou si tu veux, ouais? Mais! Ok. Okay. Non, non, on va te laisser libre cours à ton imagination. Puis on n'a pas peur de ça. Hey, mon Richard, fais-toi-en pas que... Puis là, il va y avoir deux Richards. Hey, attends, toi. Non. On a deux Richards. Le premier, c'est celui que je vais vous nommer. Mais là, si vous connaissez le bon... Oh, ben si, tiens-moi... On sait c'est qui. Mais non. C'est l'heure de quoi, mon Richard? C'est l'heure de te céder la place. Alors, mon ami, Richard Séguin. Alors, c'est l'heure, vas-y. C'est vrai. C'est les rances canadiennes, c'est l'heure. De tout c'est dire. C'est l'heure des bonheurs assis dans l'escalier. L'heure où le soleil se perd dans ses ruelles. C'est l'heure des regards qui font sourire l'été. L'heure qui fredonne en traînant ses semelles. C'est l'heure où t'as pris le temps de m'appeler. C'est l'heure qui a soif d'entendre ta voix. C'est l'heure qui frissonne d'être à tes côtés. L'heure des instants qui glissent entre nos doigts. C'est l'heure qui se tient debout malgré tout. C'est l'heure qui se donne sans rien demander. C'est l'heure. C'est l'heure qui échappe aux heures. Quand la vie se prend à rêver. C'est l'heure qui échappe aux heures. Quand la vie se prend à rêver. Et aussi. C'est l'heure qui échappe aux celle qui vient te surprendre, que tu croyais perdue. C'est l'heure qui échappe aux heures. Celle qui vient te surprendre, que tu n'attendais plus. C'est l'heure qui échappe aux heures.

Puis le miroir, c'est le miroir de l'âme, le miroir de l'œil. Il essaie de rentrer le miroir dans le miroir. Miroir, miroir, je tourne de miroir, miroir, miroir, miroir, miroir. Peter, Peter. Je me mets à table, j'avoue tout, je suis coupable. Cessez, messieurs les constables, de fesser sur mon être lamentable. J'ai une urgence, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'une sirène qui crie. J'ai la fièvre, j'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du gland. Parce que fourré, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Tout le monde a cette lettre, qui veut-il se mettre? J'en suis l'esclave soumis, je lui essayer pour rester dans les bornes de la bonne pensée socialement acceptée. Mais rien à faire, je ne suis qu'une machine à fourrer. Quand je vois une femme passer, j'aimerais bien penser à la noble créature que Dieu a créée. Mais non, je spot tes tâtons, j'imagine sa plotte dans ses petites culottes, je veux tirer ma botte. Pitié, mon Seigneur, tu le cotes. Sortez votre goupillon, chassez le démon de sa peau. Ouvre un garçon qui me fourrer, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis. Fourrer, fourrer, fourrer, fourrer. L'autre chose chute de Beaufort et Jacinthe Durand. Mais malheureusement, je suis venu à fond dans mes sous-vêtements. J'ai passé le reste de la soirée à licher sa pilote. Elle m'a jamais rappelé, j'étais pas assez hot. Depuis ce jour, quand je me crosse, je pense à elle. Je revois son vachin, ses seins, le rouleau de cotonnelle. Honteux, ridicule, je m'essuie. J'ai besoin d'une lobotomie ou d'une amie mouillée. Saint-Denis, il était dur. À chaque coin de rue, c'est la torture. Mes yeux brillent, c'est plein de petites filles. Y'en a pas gros que j'ai pas le goût de fourrer. Mais faut faire son nom de penser à autre chose. À politique, aux grandes causes. Aux handicapés, aux millions d'affamés. Mais entre mes deux oreilles, il n'y a aucune idée. C'est l'idée de fourrer. C'est une fatalité, c'est ma finalité. C'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre. J'en suis l'esclave soumis. Je lui obéis. Un jour j'irai dans le grand nord, là où il n'y a que des renards. Tout sera paix, tout sera mort. Au sommet de la terre, sur l'île de l'Esmer. Au confins de la terre de ma fin. Pas de Stéphanie, de Fanny, de Mélanie. Pas d'Isabelle. Pas de Trey, de Vincent Zell. Pas de blonde dans le permafrost. Pas de touffe dans la toundra. Là-bas dans la froidure, m'arrêter de faire dur. Pour faire de la philosophie, puis de la littérature. Pas être bien loin. Pas de piton nulle part. Dans ma voie de l'argent, m'aller dans le nord. J'aurai plus de remords. Les couilles gelées pour l'éternité. Je n'aurai plus jamais envie de fourrer. Ah, une fille que j'aime beaucoup, j'espère que c'est réciproque. L'auteur, compositrice, interprète, Isabelle Gagnon-Camion. À toi, mon ami! Le meilleur. dors plus la nuit. Vois, sans sommeil, tu n'es que l'ombre de celle que tu laisses derrière toi. Salut Stan, merci encore de ta générosité. Bye, salut. Salut Isabelle. Bonjour mon lapin. Hein, au suivant. Allez. Quelle heure est-il? T'enchaînes bien. Hein? Quelle heure est-il? Ah oui, t'es à l'heure, pile. Ben, qu'est-ce que tu crois? Non, mais tu fais pas comme les artistes qui se, fait attendre, qui se font attendre. Non, mais moi, je suis pas une artiste, moi, tu sais bien. Oh, arrête donc, arrête. Ah, moi, j'aime ta nouvelle coiffure. Merci, mon chéri. C'est pour les photos, hein? Ben oui, je me suis dit quand même cette année, franchement. On va faire fort. Bon, ça fait 2 mois quand même, mais bon... Mais non, février. Non, mais c'est février. Ah, toi, ok, toi, oui, tu veux dire. Oui, mes cheveux. Okay. Ah, tes cheveux, ah, mais oui, mais ça paraît pas, ça paraît pas. Hey, c'est bizarre, quand on appelle chez toi, tu parles de ton entreprise, hein? Ben ouais, de mon entreprise alimentaire. Oui, c'est ça. Ah, oui. Mais on n'en parlera pas ce soir, aujourd'hui. Non, non, non, okay. Non. On en parle sinon, pas. Ça va bien? Ben écoute, oui, ça va fort bien. Okay. Ça va même super bien. OK. Oui. Et il y a de l'actualité musicale aussi, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. Oui. Alors, enfin, je t'en avais un petit peu parlé la dernière fois. Pas vraiment, c'était encore embryonnaire et tu voulais pas dévoiler... Parce que tu voulais pas non plus... comment je peux dire ça? Tu voulais pas brûler la chandelle, donc... Peut-être, et puis surtout, j'avais rien à t'envoyer pour te faire écouter. Là, je pourrais... accompagner cette interview par un morceau inédit que je vais t'envoyer. C'est ce que nous ferons. Sinon, as-tu vendu là, ton appartement? Non, toujours pas. Ok. Tu veux l'acheter? J'ai pas le moyen. C'est pour ça que j'arrête de faire mes errances rénadiennes à Paris. Ah bah ouais. Pour ramasser mes sous. Bah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je t'ai vu sur une photo, tu étais en campagne. Oui, oui, en fait, je... Je vis maintenant, enfin je vis maintenant, c'est tout nouveau, mais je suis à peu près une semaine par mois à Paris. Ok, et oh, je oui. me suis arrangée pour être là cette semaine pour te voir. Merci. Et sinon, là, je suis limite, je suis dans l'Orne, en fait. Pourquoi? Parce que mon ami a été muté, enfin pas, il n'a pas été muté en fait, il fait une recherche où il a pris 6 mois sabbatique pour faire une recherche précise, dans un laboratoire de tricellulaire, et que du coup, il vit là-bas pendant 6 mois, et que ben, moi, je vis du coup un peu à cheval entre les deux. Mais tu loues ton appartement, j'espère? Ben non. Oh! Alors, t'es 3 semaines là-bas, puis 1 semaine ici. Oui, alors, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, ce mois-ci, j'aurais été moitié-moitié, par exemple. Okay. Ça dépend aussi de mon boulot alimentaire, justement. OK. Si j'ai des formations produits à faire, si j'ai des visites à faire sur Paris, il faut que je sois là. Mais ça doit faire du bien de sortir de Paris puis revenir après? Ah ouais, non, mais là, c'est juste génial. Oui, cet endroit, c'est tu n'entends que les petits oiseaux. Ouais. D'ailleurs, tu es à 13 km du moindre village où tu peux acheter une baguette de pain. C'est vraiment paumé dans la campagne. C'est y a un grand étang où il y a quelques pêcheurs qui pêchent des carpes de 28-30 kilos. C'est un truc assez incroyable. Sans le savoir, c'est ce que tu recherchais? Ben moi, je voulais quitter Paris. À un moment, je t'en avais parlé. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est pas mal. Ça me fait une belle transition. Comme ça, je suis encore un peu à Paris et un peu à la campagne. Donc, tu vas peut-être garder ton appartement plus longtemps grâce à ça? Ouais, je vais le garder jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus. En fait, minimum jusqu'en septembre. Et puis après, après peut-être encore 1 an, enfin, ou ça va se décompter très vite et en septembre je le vends, ou j'y reste encore à peu près 1 an et demi. Ok. Voilà. Parce que c'est toi qui décides de baisser le prix pour pouvoir le vendre. Bah pour l'instant, comme je n'ai pas encore mis en vente, je vais pas d'abord commencer par baisser le prix. Ah ben non, ouais, faudrait déjà le présenter. Ouais. Okay. C'est sur Montmartre. Hein? Alors, pour dire aux auditeurs, là, si vous avez un peu de sous, vous pouvez vivre à Montmartre, m'inviter gratos. Je pourrais continuer à faire mes émissions puis aller dormir là-bas. Puis voilà. Et ben voilà. Mais ça serait bien que ce soit qui le reprenne. Faut demander à ses... Non, mais moi, je peux pas. Faut demander à CKRL. Non, mais c'est à ça, monsieur mais... CKRL. Non, c'est moi qui paye tout. D'investir. Donc... Ben, je sais, mais justement... On va demander à un mécène. Ben voilà. Un mécène. Voilà. Qui a beaucoup de sous. Ben, mécène, a priori... Oui, mais qui n'a pas... Non, mais qui a plus qu'une scène. C'est pour ça que je voulais en venir à ça. D'accord. Et sinon Isabelle, toujours aussi rayonnante. Mais je te remercie. Non, mais c'est vrai. Donc, est-ce que c'est la campagne? C'est pas faux. C'est la campagne, c'est l'amour, c'est la musique, c'est avancer, malgré tout. Avancer pas que dans l'âge, mais dans les projets. Oui, mais l'âge est bien parce que ça nous représente bien. Bah, de toute façon, on est la somme de c'est ce ça. Qu'on a vécu. Donc, oui, comme disait Jean-Pierre Ferland, tout est écrit sur mon visage. Ou alors, pas encore tout, hein, parce que je vais vivre encore une bonne vingtaine d'années. Oui, mais c'est pas grave. Mais ça commence à être bien écrit, ouais. C'est bien. On peut être interprété. Tu vois pas trop les fautes? Non, il y a pas ça de Ça va, il y a pas trop de fautes? Non, c'est un chef-d'œuvre. Oh, mon chéri, que t'es mignon. Reviens. Ça fait toujours du bien de te voir. C'est vrai. Non, mais on se connaît quand même depuis quoi, 10 ans? Ben, ouais. Et on a fraternisé dès la première rencontre. Bah ouais, mais on faut a, dire, on a clashé. C'est pas trop compliqué avec toi, t'es quand même un être exceptionnel. Ben vice-versa, hein, vice-versa, non mais c'est vrai, on sent, parce que j'avais besoin de quelqu'un l'autre jour pour aller à Moscou, donc la seule personne, j'étais sur ta rue, j'étais bien sûr l'appeler. Et alors c'est ballot parce que du coup je me suis dit, je vais vite sortir pour lui faire un bisou, mais t'étais déjà Oui, moi je suis rapide, hein, moi c'est au suivant, bang, bang, bang, je suis plus... Et t'as bien trouvé alors? J'ai trouvé, mais ça m'a pris deux... J'ai fait une reprise, mais c'est les gens qui m'ont dirigé. Et moi, je sais choisir les bonnes personnes. Parce qu'il y a des loupards. Le premier qui m'a montré le mauvais chemin, c'est un tenancier de bordel. Et qui m'a dit, ah ben là, vous en avez pour 1h30. Je dis, non, je ne suis pas... Bonjour, tu prends quoi, toi? Vas-y. Vous avez du jus d'ananas? Mm-hmm. Je prends un jus d'ananas. Oui. Jus de fraise, s'il vous plaît. Oui, merci. Un jus de fraise? Oui. Ça existe? Ben, tu vas voir. Ici, oui, c'est merveilleux. Ah ouais? C'est dans un... Avec la... T'as-tu vu ce que j'ai dit? Jus de fraise. Ben, attends, j'ai envie de goûter. Attends, ben, je vais changer. Attends. Ben oui. Ça existe, hein? De? Ben, le jus de fraise, ça existe. Oui, ben, ça existe, ah, ben, oui, j'ai ça changé existe. Pour le ben, jus voilà. de fraise. La fraise existe aussi. Alors, c'est comme un smoothie, non? Oui, c'est une crème. C'est une crème. Oui, alors, de quoi on parlait, donc, avant de... Que tu avais... Rue de Moscou. C'était un tenancier de bordel et qui m'a indiqué le mauvais chemin. Il m'a dit, ah, oh, tu n'as pour... Une heure et demie, non, mais c'est n'importe quoi. Non, c'était 15 minutes. T'étais à 10 minutes, ouais. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. C'est un autre que j'ai repéré. Il m'a dit, oh, c'est pas compliqué, mais oh, un chauffeur de taxi. Parce que du coup, mes indications, elles t'ont servi à rien, en fait. Moi, je suis allé, oui, mais je suis pas allé dans la bonne direction. Ah, c'est ça, parce que je t'avais dit d'aller vers la place de Clichy. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était plus par là, mais non, c'était par là. Ah, ben voilà. Voilà, oui, je sais. Voilà. Et pour le retour, ça a été très, très simple. Ça m'a pris même pas 10 minutes pour le retour. Mais j'avais rencontré Claude, donc j'étais bien content. Ouais, sympa. Ah, ouais, oui. Sympa. Je l'avais croisé, il me semble que je l'ai croisé à une réunion de. La SACED. Non, pas la SACED, je dis n'importe quoi, mince. Ah, il travaille à la SACED aussi. Oui, mais il fait partie d'un organisme auquel j'ai fait appel, dont le principal conseiller est Emmanuel de Rangervé, et c'est la... Ah ben mince, j'ai le trou, là. J'ai le trou. C'est, ils défendent les droits des auteurs, justement. Ok, ah oui. Merci. Oui. Merci. Voilà, donc on a ça avec une paille. Ben oui. Moi, je suis bleu, toi, t'es rouge. Ben voilà, parfait. On bâtine. Alors, à la musique. À nous. À nous. À nous, oui. À nous, à notre santé. Oui. Et à la musique, bien oui, sûr. Ben oui. Je vais te laisser écouter. Ouais, c'est bon. C'est vachement très sucré, bon. Quand même. Hein. C'est... Vachement sucré. Ah, mais moi, c'est pour ça que j'aime ça. moi, c'est du sucre. T'es un terre sucre, toi. Oui, je suis plus sucré que salé. Et alors, tu l'as rencontré, Claude? Oui, donc c'était... Ah mince, alors j'arrive pas à retrouver... C'était une réunion où justement, ils épluchent en même temps les rapports de la SACEM. Oui. Mince, je sais plus comment s'appelle cette boîte. Et pourtant, j'ai eu affaire à eux pendant plus d'un an, quand j'ai eu mon bisbis avec le producteur, là, tu sais, sur l'album Les Larmes de l'été. Justement, c'est Emmanuel Durand-Gervais qui m'a renseigné vachement bien, qui m'avait également indiqué des avocats qui défendaient les droits d'auteur, les droits des artistes et tout ça. Et c'est un super organisme. Ah, mais j'ai le... Et c'est là que tu l'as raconté. Et c'est donc, il me semble que c'est là, lors d'une réunion qui avait dû avoir lieu à la SACEM, cette fois-ci d'ailleurs, parce que sinon ça se passait dans différents endroits à Paris. Et c'est là que, ouais, ça doit être à cette réunion-là que je l'avais rencontré. Il est parti à Montréal pour faire un spectacle. Là, il est... Ah ouais, là? Ouais, ouais. Il s'en allait le lendemain. Ah ben, tu vas le voir là-bas, alors? Non, moi, je reste à Québec. Oui, c'est vrai que ça fait non, un peu... Non, mais quand c'est je pas reviens, côté, mais... lui, il repart. Il fait un spectacle dans une petite salle de 80 personnes. Voilà. Il a été... Ah, génial. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'il troublait, c'est qu'il y avait juste 30 billets de vendus. Mais je lui ai dit, écoute, c'est normal, si on ne sait pas que tu es là. Là, il va faire Radio-Canada. Il l'a fait hier Radio-Canada avec Monique Giroux, qui est une amoureuse de la langue française et de la chanson française, comme moi. Et donc, suite que, je suis sûr que suite à ça, ça s'est rempli et c'était à salle comble. Ils ont peut-être ajouté des bains parce que, voyons, c'est un monstre sacré. Ben ouais, il va falloir qu'il fasse au moins deux soirées. Parce que non, peut-être, c'était peut-être... juste un soir. Ouais, à la salle Félix Leclerc. C'est dingue. Ben oui. Lui, il payait rien. Il allait là, il faisait des radios, puis il faisait son podcast, puis il revenait ici. Pour une semaine. Ouais. Donc, il fait son spectacle, je crois. Ben, non, c'est pas encore fait, son spectacle, ça fait. C'est la semaine, ben, je crois que c'est jeudi ou vendredi. Puis il repart samedi. D'accord. Ouais, moi, c'est sympa, ça lui fait une petite semaine sympa et un spectacle, c'est pas oui, trop... Oui, c'est ça, c'est ben trop, oui, puis il n'y a rien à payer. Oui, c'est pas trop fatigant. Non, c'est ça. Non, non. Hein? Mais en même temps, il est plus très jeune, le monsieur. Non, c'est vrai, ben oui, oui. Oui. Ben, oui. Et sinon, oui, de la musique, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ben écoute, on a été... ben, je t'en avais un petit peu parlé la dernière fois, mais bon, ça faisait un petit moment qu'on préparait, enfin qu'on prépare un petit EP, en fait, parce que... Ouais. On fait... 6 titres, à peu près. Pardon? 6 titres. Non, là, ça va même être que 4. Au départ, c'était même prévu 3. Et puis, on essaie d'en coller un quatrième. Parce que, du coup, cette fois-ci, on a fait appel à personne, entre guillemets. Pas de crowdfunding, pas de trucs comme ça. Le 11 inclut qui? Pardon? Le 11 inclut qui? C'est Gilles Salvi, l'ami avec qui j'avais fait l'album Chien et Loup. Oui. En 2000, à peu près, alors, 89. Donc, ouais, enfin, on s'est jamais perdu de vue. Mais après... On a chacun pas suivi des chemins différents, mais lui avait un petit peu stoppé la musique. Moi, je travaillais ensuite avec Philippe Krao, avec qui j'avais fait pas mal de concerts. Voilà. Après, il y a eu cet épisode de l'album de L'Arme de l'été qui est tombé à l'eau, qui m'a pris 3 ans, ouais. Ouais. Minimum 3 ans. De poursuite pour que les gens qui avaient investi soient repayés. Ben, pour qu'ils soient, voilà, pour que les gens soient puissent être remboursés d'une part, pour que moi je puisse récupérer mes droits d'auteur. Oui. Alors les gens qui ont participé, alors, ce qui est bizarre, c'est que d'après ce que j'ai pu constater, il a à peu près remboursé la moitié et pas l'autre moitié. Alors je ne sais pas sur quels critères, comment il a choisi les gens, qu'il a remboursé ou pas. Après moi j'ai réécrit aux personnes qui très gentiment m'ont dit qu'ils ne voulaient pas spécialement récupérer leur argent mais que je le mette sur une nouvelle production. Ah, c'est bien. Mais sauf que je leur ai expliqué que je ne pouvais pas mettre cet argent sur une nouvelle production puisque cet argent, je ne l'avais pas, il était dans la poche du producteur. Okay. Et que c'est pour ça qu'il fallait absolument que de toute façon, ils le réclament. Moi, après, je n'ai pas continué à insister parce que ça devient lourd. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour que les gens qui voulaient l'être le soient. Et j'en suis fier parce que c'était une belle bataille quand même. As-tu repris tes droits d'auteur? Oui, j'ai récupéré mes droits d'auteur. Alors, tu ne pourras jamais en disquer? Tu ne pourras jamais en disquer les titres, tu ne pourras jamais en faire un disque de ces titres-là. Ben de ces titres-là, si, de mes textes, si je refais une musique dessus, je peux m'en servir. Alors il faut refaire la musique. Il faut refaire une musique. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui sera sur la pastille que tu prépares? Non. Non, aucune. On repart à zéro. Aucune. C'est-à-dire qu'en fait, même si les textes que j'ai pu récupérer sont. Font partie, je pense, de mes plus jolis textes. Ouais. Et j'ai pas du tout envie de les laisser tomber. Mais pour l'instant, ils sont aussi vachement entachés de cette aventure. Ils sont aussi emprunts de cette mélodie qui avait été faite dessus. Donc c'est aussi dur de lâcher une mélodie sur des mots à partir du moment où tu les as bien en bouche, comme ça. Voilà. Donc il y a ce fait-là. Et puis surtout que le projet avec Gilles est un peu plus rock. Et donc c'est aussi un peu une autre écriture, parce que j'ai toujours la même façon d'écrire. Mais c'est d'autres rythmes, c'est d'autres... Ah, mais ça sonne plus chez Lou. Oui, ça va plus sonner ça, chien et loup. Oui, parce que je réécoute. Ouais, ouais. Au chien et loup, il y avait plus d'électronique. Là, ouais. Là, on est plus nature. OK. Guitare, voix, batterie? Guitare, basse, voix, batterie. Et alors, par moment, on a encore quelques programmations. Parce qu'on n'a pas forcément un batteur sous la main. Non. mais dans l'ensemble, ouais, il est plus nature. Plus pop, plus rock. Enfin, j'allais dire rock-pop. Et pas la pop, première rock. Chanson qui en est sortie? Et bah, celle que je vais t'envoyer, en fait, c'est Dette Bourbon. Dette Bourbon. Dette Bourbon, le Bourbon mort. Mais elle figurait sur l'album Chien et loup. Ouais. Et on l'a revisité complètement. Ah bah oui, on va écouter les deux. Voilà, tu pourras écouter les deux. L'une est plus heurtée. Dans l'album Chien et loup, elle est un peu plus heurtée, un peu plus, puis plus électro, entre guillemets, avec plus de boucles. Et dans la nouvelle version, elle est beaucoup plus soft, un peu plus chaloupée, un peu plus... sexy aussi, voilà. Cette chanson-là? Bon, ça nous est venu tout seul avec Gilles, en fait. C'est lui qui avait à un moment m'avait dit, tiens, j'ai fait ça sur Dette Bourbon, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai dit, écoute, c'est super, je trouvais qu'elle m'allait même encore mieux et que je prenais plus de plaisir à la chanter. Donc je lui ai dit, écoute, on n'a qu'à la faire, voilà. Mais tu avais des textes quand même dans le tiroir? Ah oui, bien, non. Ouais. Non, mais bien sûr, alors, dans les nouveaux textes, il y a donc à titre posthume, Que je connais. qui donnera son nom ouais. Au petit EP, qui me fait bien marrer, que bon, je t'avais raconté qu'il y a un peu une histoire de cruauté enfantine qui arrache les ailes des mouches et compagnie. Et voilà, puis en plus ça nous faisait marrer parce que donc avançant en âge quand même, on s'est dit peut-être qu'un jour on fera quelque chose à titre posthume. Ouais. Voilà, on donc sa sortie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc ça nous faisait marrer de faire ce titre. Il y a Pamela, mais que je t'avais fait écouter les démos oui. à la maison. Oui, Pamela, oui. Pamela, l'histoire d'une poupée électronique, oui. entre guillemets, d'un robot féminin qui dit toujours oui. Un peu comme la poupée de son et la poupée oui. de cire. Oui. Voilà, et il y a La folle ardeuse de pollen. Qui donc l'histoire, une histoire d'abeille où tout le texte est juste entre guillemets par rapport aux différentes sortes d'abeilles, etc. Mais où le résultat, pareil, reste plutôt un petit peu sexy puisque c'est une abeille qui se pose sur ton cœur, qui le suce pendant des heures, oui. et etc., etc. Mais ce que j'ai entendu chez toi, est-ce que ça risque d'être dans le même rythme, dans la même sonorité? Mm. Ces morceaux-là, à titre posthume, Pamela, La folardeuse de pollen et le quatrième, je l'ai... où est-ce qu'il est, le quatrième? C'est pas la reprise? C'est Dead, voilà, bien sûr, c'est Dead. Ils sont tout à fait dans la mouture de ce que tu as entendu chez okay. moi. Sauf que ce que tu avais entendu... C'était excellent, ce que j'ai entendu. Que tu avais entendu n'était pas mixé, c'était des mises à plat. Et là, on a deux mix de près. Il y en a un qu'on finalise... parce que je suis pas très contente et la voix ouais notamment de sur un couplet, la mise en place, et j'arrive pas, la mise en place, qu'est-ce que tu veux dire par la mise en place? Il m'a fait un truc de batterie okay. avec un cut comme ça et un machin, et j'arrive pas du tout à être naturelle à ce okay. moment là donc mais tu veux garder cette instrumentation là, mais c'est ta voix que tu veux modifier. Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce que tu travailles chez toi pour oui okay. ouais, bon, alors pas assez rapidement, on va dire. Mais voilà, on a pas mal de... Voilà, il y a des choses à faire, et encore une fois, on n'est pas aidé. Alors, quand je dis on n'est pas aidé, il y a toujours le studio Garage, mon ami Bernard du studio Garage, qui nous ouvre ses portes quand le studio est libre, et qui nous ouvre ses portes gracieusement, qui s'est occupé des mix, et j'ai fait aussi des voix là-bas. Alors, j'en ai fait aussi chez moi, des voix, parce qu'on s'est aperçu qu'elles étaient tout à fait correctes au niveau qualité de son. Oui. Que pour pouvoir les mixer ensuite. Studio, voilà, donc ça fait gagner du temps à tout le monde. Et en plus, moi, je suis aussi presque plus à l'aise parce que du coup, je fais ma petite sauce chez moi. Voilà. Oh, oui. Ça sort à un moment où tu sens à l'aise, où ouais, tu sens que les vibrations sont bonnes. Voilà, où c'est naturel, où. Donc c'est pas mal. Mais là, c'est certain que quand tu prépares un disque, même si c'est 4 titres, tu vas avoir le goût de présenter ça au public. Ben ouais, c'est ça, c'est ce que le confinement a un peu, pas tué, mais est vraiment étouffé. Du coup, les concerts qu'on devait reprendre avec Philippe, ben donc ça n'a pas eu lieu. Ensuite, avec Gilles, on est vraiment sur la préparation de cette EP, et lui est moins, lui c'est plus le j'allais dire pas le gars de l'ombre, mais lui, il adore bricoler, il adore faire la musique, etc. C'est un gars de studio. Il aime bien faire un peu de scène, mais c'est pas forcément son grand kiff. Ouais. Mais on en fera quand même quand le truc sera prêt. Avec lui. Avec lui, ouais, bah oui, il a intérêt, sinon je pote les fesses. Il va aimer ça. Et, voilà, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de scène encore. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment mon truc, la scène. Est-ce que tu veux encore faire le Galabru ou tu veux aller dans d'autres salles? Ah ben, je ferai avec plaisir d'autres salles. Le Galabru, toujours avec plaisir, parce que chaque fois que j'y suis invité, c'est toujours sympa. Et puis... J'entends là-bas, hein? Ben, ouais, enfin, en tout cas, les gens qui... qui habitent autour. Ouais, ouais, c'est plutôt... Ouais. C'est plutôt mignon, ouais, mm-hmm. ouais, c'est très mignon. Ouais. Ouais. C'est une belle salle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça respire, hein? Il y a comme une... Ben, c'est un vrai petit théâtre, quoi. Oui, c'est vrai, et à puis, l'ancienne. Et puis, il a quand même une taille, on va dire, où tu peux mettre 100, 120 personnes. Ouais, puis tu vois tout le monde. Donc, il y a un côté vraiment très agréable, ouais. Ouais, ouais. Tu peux zioter quelqu'un, ouais, ouais. Puis... Ouais, puis moi, j'aime bien regarder même les gens. Tu peux le prendre comme, ouais, ouais. comme attrait, comme... Hein, dans ton ouais, spectacle. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Quand tu fais des chansons plus sensuelles, tu localises quelqu'un et tu envoies ton charme. Et j'envoie mon fluide. Ton fluide, oui, oui, comme l'abeille. Comme l'abeille. Écris-tu encore beaucoup? Parce que la dernière fois, tu étais... Ah, tu peux fumer, hein? Ouais, oui, c'est ce que je vais faire. Ah oui, ça va décontracter. Même quoi, tu n'es pas stressé. Non, ça va. Ah, oui. On se connaît tellement. Bah, si tu veux me stresser, je ne sais pas, parle-moi de souris. Ou... Non, de souris, de rongeurs. Ah, de... Non, non, oui, oui, oui. Puis, tu as encore ta litière? Ouais. Bon, je l'ai enlevée de la salle de bain. OK. Je l'ai mise sous une armoire. Okay. Mais elle est toujours là. Ah, mais on là. Se connaît quand même. Ça, c'est, il y a très peu de personnes qui connaissent le truc. Là. Ouais, tu vois. Ça, c'est dans l'intimité, là. Ben là, carrément, ouais. Voilà, c'est ça. Ah là là, quelle oui. horreur. Mon Dieu. Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'on parlait, donc, Galabru, tout ça, théâtre. Oui, alors, écris-tu encore beaucoup? C'est ça, on était rendu là. Et quoi? Écris-tu encore beaucoup? Ah oui, là, tu me parlais de ça. Alors, oui. On va lâcher les rangs. Effectivement, j'avais eu un peu une pause. Je te disais que, ouais. Bon, en fait, que je vivais un peu sur mes acquis, entre guillemets. Et bon, avec Gilles, bien sûr, j'ai réécrit des nouveaux textes. Et puis là, depuis quelques mois, j'ai de nouveau vraiment envie d'écrire. Alors, je ne dis pas que tout ce que j'écris est vachement bien, là, tout de suite. Mais l'envie est revenue, donc ça, c'est juste un bonheur, quoi. Pourquoi l'envie est revenue? Parce que tu préparais un EP ou parce que tu te sentais plus inspiré? Ou un peu des deux? Ben, parce que... comment dire? L'hiver fut dur. Oui. Comme disait le roman, voilà. L'hiver fut dur. L'hiver fut dur. Les trois dernières années furent assez difficiles. Ouais. L'hiver dernier, si tu veux, j'avais l'impression que... De choses majeures qui pourraient m'arriver encore, c'était la mort. La tienne? Bah oui, pas celle de mon voisin. Mais sans la souhaiter, hein, sans avoir d'idées suicidaires, c'était pas la question. Mais je me disais, tiens, qu'est-ce qui peut t'arriver de super maintenant, pas intéressant, mais d'ultra palpitant, d'ultra vivant dans la vie? Bah, je me disais, bah, mis à part que de passer d'agréables soirées avec mes amis, de bien me marrer et de profiter de tout ça, je ne voyais pas trop ce qui pouvait m'arriver d'autre que la mort. Oh. Voilà. Et puis à la place de la mort, c'était l'amour qui est arrivé. Ah, parfait. C'est bien ça. Ben oui. Donc tu es une femme amoureuse. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu es rayonnante, mais tu l'es toujours. Oui, mais d'habitude, d'habitude, c'est de la comédie, alors que là, c'est naturel. C'est du vrai. Ah oh, oui. Mais ça, c'est après le mois de février, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, tu venais... Mais c'était en mars. Ah, voilà. Eh ben, voilà. Tu vois? Et voilà. T'es passé me voir, tu m'as amené des ondes. L'énergie amoureuse. Voilà, des ondes voilà. Merveilleuses. Ah, parfait. Et puis, voilà. Ah, c'est bien. Je suis content pour toi. Merci. Parce que tu le mérites. Merci, c'est gentil. Ben, on vit pour ça, hein? Ben, ouais, enfin... Il y a trois grands chèmes. La vie, l'amour, la mort. Ben, ouais. Il n'y a pas d'autre chose. Ben, ouais. Le reste, c'est du remplissage. Mmh. On essaie de le remplir avec ce qu'il y a de mieux. Ouais, surtout quand on n'a pas l'amour. Ouais, mais là, tu l'as. Donc le reste, je m'en fiche pas. Ouais. Non, ah, je déconne. Mais c'est super. Je me fiche pas du reste, mais c'est vrai que ça aide bien à vivre. Ça aide bien à sourire, ça aide bien... D'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous écouter, pour s'enrichir. Ouais, et puis pour partager, effectivement. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis en phase totale. Que tu connaissais avant? Non, du tout. Okay. Du tout. C'est un tout nouveau prince charmant. Oh, OK. Qui s'est réveillé à tes genoux. Et que tu sois accueilli comme une rose. Ou l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ou peut-être non. ça peut être des deux. En fait, c'était les deux, je crois. C'est ça. Ouais, non, ça a vraiment été... Vous êtes accueilli. Ça a été assez automatique. Tu vois. Sans même réfléchir à rien, quoi. Comme si c'était une évidence. Ah, mais c'est fou, l'amour, hein. C'est comme si on redevenait adolescent. Ou ah, mais carrément. Non, mais carrément. C'est quand on se balade dans le quartier, les gens disent « Oh, vous êtes mignon !» Et puis nous, on est là comme des gosses. Ouais, ah oui. C'est vrai. Alors, c'est ça qui t'a ramené l'écriture, peut-être, aussi. Bah, qui m'a déjà redonné envie d'écrire des choses. Parce que du coup, il m'arrivait des choses joyeuses. Et souvent, c'est la tristesse qui amène l'écriture, enfin, chez moi. Ouais, pour certains. Et là, même la tristesse ne m'amenait plus rien. Donc, il fallait effectivement qu'il y ait quelque chose qui change. Ouais. Alors, peut-être que les muses m'ont entendu ou je ne sais pas quoi et m'ont envoyé mon charmant prince. Oui. Et depuis ce temps-là, tu écris beaucoup plus, tu es plus réceptive au niveau des mots, au niveau de la sensibilité poétique. Ben, ouais. Tu l'as toujours été. Oui, oui, oui, je pense que j'ai toujours été à peu près pas égal, mais à peu près dans le même registre, dans les mêmes recherches, dans les mêmes envies de raconter sans induire. Donc ça, je pense que je le suis toujours. Mais j'avais un petit peu perdu l'envie de jouer avec les mots, en fait. Et là, j'ai retrouvé l'envie d'écrire d'abord des choses et ensuite de les redéformer un peu pour jouer avec. Et ça, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il est musicien? Il a fait du piano. Classique? Ouais. Okay. Et là, il me dit, alors je lui ai dit qu'il fallait qu'il se remette au piano. Il me dit, non, mais je sais plus. Et je lui dis, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui. Donc je vais les remettre un peu pour voir si on peut faire quelque chose ensemble, on sait jamais. Lorsque je t'ai appelé, je suis tombé sur ton répondeur et je me disais, merde, pourquoi qu'elle travaille pas à la radio, France Inter, faire des voix, faire quelque chose, travailler avec ton instrument qui est merveilleux? Mais on me le dit souvent, on me l'a souvent dit. J'ai à l'époque fait un stage à Radio France, à l'époque de Chien et Loup d'ailleurs. Ouais. Et ils avaient d'ailleurs programmé sur RFI et puis on avait fait quelques émissions à France Inter. Radio France Internationale. Ouais. Et ça c'était vachement bien, on avait fait le Pont des Artistes, on avait fait, je ne sais plus le nom maintenant, c'est vieux tout ça. Michel Grégoire, tout ça, etc. L'ancienne école. Et mais c'était vachement bien. Non. Et j'avais fait ce stage, mais dans le cadre d'une formation ou d'un bilan de compétences ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il y avait effectivement une animatrice radio là-bas et une autre nénette qui travaillait dans un service, mais pas derrière le micro, et qui me disait, mais tu devrais envoyer une démo, machin, etc. T'as une super voix, patati patata, très radiophonique, blablabli, blablabla. Et ensuite, j'ai discuté un petit peu plus précisément avec elle et avec les différents services. Bon, en gros, il me disait qu'il fallait effectivement proposer aussi un thème. Mais qu'en même temps, il me mettait en garde contre le fait qu'a priori, tout se passait en interne. Et que il y avait très, très peu de chances que ça passe, quoi. Donc, je crois que j'avais fait une petite cassette à l'époque. Mais c'est resté au stade, ça n'a pas dépassé le service qu'il m'avait dit fait là, quoi. Mais as-tu pensé aussi de tes chansons, au lieu de mettre de la musique, juste lire, narrer ce que tu écris à travers une musique? Ouais, alors ça je l'ai fait un petit peu, parce que tu sais, j'ai fait aussi un peu de musique institutionnelle, ouais. Un peu de musique à l'image, ouais. pour des films institutionnels d'entreprise, pour des trucs un petit peu publicitaires comme ça. Et certains morceaux que j'ai bien aimés, je m'en suis effectivement, enfin je les ai retouchés un petit peu, etc. Je m'en suis servi pour dire des textes, et notamment dire les textes de l'album Les Larmes de l'été, ouais. Sur lequel je ne voulais pas d'autres mélodies pour le moment. Et je les édite sur des petites ambiances musicales comme ça. Et ça donne aussi un autre élan, une autre... Ah oui, c'est autre chose. Ouais, c'est carrément autre chose. Est-ce que tu revisites souvent tes anciennes chansons? Est-ce que tu les réécoutes? Non. Alors ça dépend, enfin, là quand on a travaillé avec Gilles sur Dead Bourbon, j'ai réécouté l'ancienne version par exemple, mais pas au début en fait, après avoir enregistré la nouvelle, mais pour voir un petit peu ce que j'en pensais de l'une et de l'autre. Et après, ça va dépendre si je vais réécouter des choses du style quelqu'un aura trouvé sur le net une vidéo que moi je connaissais même pas par exemple en me disant mais tiens j'ai trouvé une vidéo de toi là sur YouTube ou je sais pas quoi, et moi je dis ah bon, t'as trouvé ça où, enfin comment tu l'as trouvé? Et donc du coup dans ce cadre là je me suis dit bah tiens, et j'ai réécouté quelques petits lives aussi comme ça mais c'est assez rare en fait. Okay. Et tu regardes ça pour mieux travailler les prochains spectacles en disant « Ah, ça, je faisais ça, mais je pense que je vais arrêter. » Alors, c'est sûr qu'il y a des choses où je me dis « Mais mon Dieu !» Enfin, j'ai fait pas mal de scènes aussi où, alors, principalement où on était deux, soit avec Phil qui était à la basse et puis qui pilotait les boucles et les instruments électroniques, ou soit avec Gilles, et pareil, on n'était que deux. Et puis, j'en ai fait aussi beaucoup où j'étais toute seule, qu'avec les playbacks. Et comme... avec Phil et Gilles, on est quand même plus rock. C'est vachement difficile d'être seul sur scène quand tu fais du rock, quoi. Moi, j'ai besoin de bouger. Ah oui. Mais quand tu bouges toute seule dans tous les sens, ça m'a un peu l'air d'une andouille. Ouais. Donc, je me disais, bon, alors, attention, il faut que tu te retiennes un peu et pas que tu sautes dans tous les sens. Quoique, Chaker l'a fait. Hein. Oui, mais c'est Mick Jagger. Ouais. Isabelle, c'est pas Mick Jagger. Voilà, donc bon, je pense que je vaux bien Mick Jagger, hein, mais ah, oui. c'est la notoriété qui manque. Non, je c'est prétentieux, je ne vaux pas du tout Mick Jagger, mais ce que je veux dire, c'est que je suis capable de bouger toute seule, mais en même temps, bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, du coup, effectivement, j'avais vu quelques concerts comme ça, enfin, quelques prestations où je bougeais toute seule, et je me disais, oh là, faut que tu te calmes. Voilà. Et donc, oui, effectivement, ça m'aide à me dire, oh là, ça, faut pas le faire. Après, parfois meubler trop quand le morceau d'après vient. Un peu trop longtemps après le premier, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont pas forcément utiles ou qui sont pas forcément heureuses, on va dire. Donc oui, ça aide à avancer, ça, quand même, de temps en temps, de regarder les erreurs. Ouais, ou aussi les erreurs, pas juste les erreurs. Oui. Est-ce que ça te surprend des fois quand tu te dis « Ah oui, j'ai fait ça, c'est bien ». C'est plutôt le contraire, c'est négatif. Ouais, moi en général... Ce qui est bien, c'est... Tu l'évacues parce que tu te dis c'est normal. C'est... Ouais, voilà, en fait, ce qui est bien, c'est le côté naturel que j'ai pas besoin de travailler, justement. Ouais. Enfin, pas que j'ai pas besoin de travailler, mais qui sort spontanément. Ouais. Après, donc j'ai plutôt remarqué ce qui était pas bien, quoi. Ah, ouais. En me disant, oh là là, là. Donc là, il vaut mieux que tu... Non, là, c'est bon, reste là, reste tranquille. Voilà. Quoique devant un public, on est plus... on peut pas faire toujours la même chose. Ah ben non, mais ça c'est sûr. C'est le public aussi qui va te donner des impulsions. Oui. Quand tu sens justement un regard ou sur ma chanson « Je suis venu pour vous voir nu » où j'allais effectivement déshabiller quelques personnes dans la salle. Oui. Là, c'est sûr que si tu tombes sur un regard que tu sens prêt à jouer le jeu, bah, tu vas aller dans la salle et puis tu vas commencer à faire ton petit show. Et puis après, il y a des fois où tu le sens pas parce que tu le sens pas et puis tu le fais pas. Le public est pas non plus. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Il est pas non plus chaud. Mais. Je me sens un peu hébété, un peu décalé. J'avais bien quelque chose à faire. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venue pour vous voir nu. Je suis venue pour vous voir nu. Je suis venue vous dire bonjour. Je suis venue vous faire la cour. Je suis venue. Je me sens Watman à bouser, un peu douillouillet. Je me sens complètement déjanté. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Je suis venu. Je me sens Watman à gousser, un peu douillet. Je me sens douillou à gogo. Je me sens what. Je suis venu pour vous voir. Pour me voir nu, alors on va s'entendre, se comprendre, se détendre. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire la cour. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Ben, ça, c'est mes rencontres de février qui sont pas encore passées. Là. Oh là! Mais non! Mais non! Oh là! Ben oui, mais là, oh là. Mais ça commence en septembre, là, mes trucs de février. Ah ouais, ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Comme ça, t'as du stock. J'ai du matériel, oui. Ouais, t'as du matos pour pouvoir surtout, durer. Surtout que là, je suis rendu de 45 à 47 rencontres. Ouais! Ouais, j'en ai rajouté deux. Comme là, je suis ici, j'ai eu une rencontre au Bruant à 9h. Je suis ici depuis 10h30 et jusqu'à maintenant. Et j'en ai une autre après. Ah, et ici où tu changes d'endroit? Non, je reste ici là, depuis le Bruant. Je suis ici depuis à cette table-là depuis le début. Donc, les gens, je réchauffe ma place, mais je reste toujours à la même place. Mais donc, les deux autres, ben, en sachant que j'étais là, qui ont vu ma bouille, les photos, ils se sont dit « Ah ben, j'ai de l'actualité, est-ce que tu peux dire? » Ah oui, ben oui. Puis là, c'est certain que là, j'ai plus de place. Parce que sinon, je vais rencontrer en soirée. En soirée, j'aime bien être dans mes trucs, transférer ça dans mon ordi, parce que je fais ça aussi pour ramener ça. Ouais. Je ne veux pas rien perdre, moi, je ne veux rien perdre. Donc, il y a un petit travail après toutes ces rencontres-là. Ben oui, oui, bien sûr. Ben oui, je sais bien, ouais. Voilà. Ouais. Donc, je me prends le... Bon. On m'avait invité samedi à un repas fait par une amie à moi qui, bon... selon elle, elle n'est plus mon amie, parce qu'en fait, quand je suis... j'ai pris Air France. Ouais. Et puis, parce que ça coûte moins cher Air France que Air Transat. Ça coûte 350 $ de plus pour partir de Paris vers Québec. Hein? Vous avez augmenté les taux, mais pas trop personnel. Ah non, Air France, oui. Oui, non, tous les vols de Paris à Québec. Ah ouais? Ou de Paris en Amérique, c'est plus cher. Ah ouais? Oui. Oui. Donc, Air Transat, ça me coûtait 1 600 et Air France, ça me coûtait 1 300 et avant, ça me coûtait 950 $. Donc, ça a augmenté 350. Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ah ouais. Et donc, moi, malheureusement, tu ne choisis pas avec qui tu es dans l'avion. Là, bon, moi, je choisis mon banc à côté du hublot tout le temps, même si, bon, à un moment donné, tu ne vois plus, donc tu fermes. Oui. Mais avec Air France, tu ne peux pas fermer. Hein. Avec Air Transat, il y a un petit rideau plastifié, mais là, il n'y en a pas. Ah ouais. Donc, là, ben, tu peux dire, ah, ben oui, mais avec l'autre, c'était ça, mais pour ce qui est de la bouffe, c'est bien meilleur Air France. Hein. Ah ouais. Ah oui, puis c'est le petit côté, on dirait, on se croirait un peu à Las Vegas parce qu'ils font de la publicité au début, là, comment mettre, puis c'est fait rigolo, le montage est incroyable. Je sais pas qui a réalisé ça, mais ils ont fait affaire avec un réal connu, là, parce qu'il y a de l'humour, c'est, en tout cas, c'est très Frenchy. Là, mm-hmm. Et puis, donc, mais à côté de moi, puis en arrière de moi, il y avait des nourrissons. Même avec des bouchons, et j'ai pas dormi. Ah ouais. Et elle comprenait pas là, que j'avais. Tu sais, je devais aller manger à 20h30, et là, j'ai rencontré Serge du groupe Noir Désir, qui était celui qui a fondé Noir Désir. Tu sais, c'est pas Bertrand Cantat qui a fondé Noir Désir. Ouais. Et là, ça s'est terminé à 9h moins 4, ben à 21h45, et je devais la rencontrer vers 20h. Donc là, j'ai eu un appel. J'ai dit, oh, là, écoute. Il me reste encore quelques minutes, mais là, je suis fatigué, je peux pas. J'étais étourdi, tu sais, j'avais pas dormi. Et là, elle a dit, mon mari avait pris une journée de congé. Mais je comprends. Et je sais que j'étais faux au cul de ne pas l'avoir appelé avant pour lui dire que j'étais fatigué. Mais en même temps, je l'avais oublié parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Non, donc tu n'avais pas été faux au cul, en fait. Tu avais juste été oublié. Enfin, tu avais juste oublié. J'avais oublié, mais c'est vrai que... Ben, c'est ce qu'elle m'avait reproché. Tu aurais dû m'avertir avant. On n'aurait pas pris autant d'enfants, tu sais, fait autant de travail pour ça. Puis là, je me suis senti mal à l'aise. Elle m'a envoyé une lettre. Une missive assez virulente. Donc, pour elle. Mais ça, je me demande, tu m'en avais parlé déjà en février, non? Oh, non, c'est pas elle. Non. Ou alors par Messenger? Aujourd'hui? Non. Ces temps-ci? Parce que ça s'est passé samedi. Ah ben non, c'est pas possible alors. Ouais. Mais ça me disait quelque chose, quelqu'un qui t'avait engueulé parce que t'avais zappé un... Ça c'est une autre, Mistif. Ah, ben je me rappelle pas qui c'était. Mais tu sais qui c'est cette fille-là? Tu sais, la fille qui faisait des graffitis. Mystique, là. Mais elle est morte. Mystique, ben oui, je sais. Ouais. Et je t'avais rencontré parce que elle m'avait envoyé un message que, bon, on devait annuler parce qu'elle avait une rencontre pour des projets. Et c'est toi qui avais pris la place. Et quand elle l'a appelé, j'ai répondu, c'était elle. Elle était en boucle parce qu'elle m'envoyait un message, mais avant ça, je n'avais pas de téléphone intelligent, je l'ai juste depuis 2 mois. Puis elle m'avait dit que elle s'était rattrapée et que ça avait été annulé. Mais moi, je ne savais pas, j'étais avec toi, j'avais pris. Ah, moi, tu veux dire que je sers de bouche trop, c'est ça? Non, pas du tout. C'est ça, mais voilà. Salopio, va. Une autre amitié qui vient. Ah, mais ça fait longtemps, ça fait 10 ans de ça. Et non, c'est cette histoire-là que tu. D'accord, que c'est ça. D'accord. Voilà. Mais là, en tout cas, ça a été un courriel qui disait que j'étais qu'elle s'entourait, que j'étais une mauvaise graine et qu'il fallait pas que tu veux dire ça à peu près là, et qu'il faut pas continuer à entretenir des rencontres qui sont pas enrichissantes. Donc Ah ben dis donc C'est une ancienne québécoise, là, elle a fonctionné à la québécoise. Mais elle était bien dans sa peau, cette fille, ou Ah ouais, elle est très bien dans sa peau. Ah ouais? Bon, ouais, c'est une metteur en scène comédienne. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que j'aurais dû l'appeler avant pour. Parce qu'en fait, son mari avait pris de son temps à lui pour préparer. Tu sais, c'est épouvantable, là. Eux avaient mis tout préparé le truc, puis moi, ben, j'ai dit non. Mais je pouvais pas dire oui parce que j'étais à moitié. Il fallait que je me rende là-bas, qui était à peu près à 15 minutes. Tu sais, puis après ça, revenir, puis me coucher à quelle heure. Et là, ce qui l'a peut-être dérangé, c'est que j'ai envoyé les 2 photos avant de me coucher, puis. Là, quand elle a vu ça, ben, le connard, il vient pas manger, puis il envoie des... Mais il vient pas me cacher, puis il remet ça demain pour dire que... Ouais. Bon, non, moi, je suis authentique. Bon, c'est ça. Bon, c'est dommage. Ouais. Bon, ben, quand tu viendras manger à la maison, me fais pas ce coup-là, hein, sinon tu vas encore non, perdre en fait, une copine. Pour... Hein. C'est pour ça qu'elle ne perd pas de glace, c'est mieux pour ça. Comme ça, je suis certain de ne pas décevoir personne. Hey, merci d'être passé à mon émission. Eh bien, merci à toi, mon petit. Mais je pense qu'on va l'avoir coupé, puis je ne te présenterai pas ça, parce que ça n'intéresse personne. Ouais, ben, comme d'hab. Bon, c'est ça. Ouais. Ça marche. Non, mais parce que. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de passer un moment avec toi après. Non, je ne veux pas dire que cette rencontre-là, mais ce que j'ai dit à propos de la dame. Ah oui. Arrêtez-la. Non, je veux dire couper, mais pas me présenter la totalité. Ah, d'accord. Non, je vais te présenter, voyons donc, j'adore notre Non, rencontre. Mais moi, c'est pas grave, de toute façon, je suis une bonne patte. Je suis une bonne patte. Non, mais ce que je t'ai dit, puis que t'as compris, c'était pas gentil, là, d'avoir dit ça, moi. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Moi, vous êtes méchant. Oui, je suis méchant, Rénal. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais pas présenter ce que j'ai parlé avec toi. Oui. Pour pas. Oui, j'ai compris. Tout le reste va être présenté, c'est 10 minutes là, de la rencontre. Oui. Mais peut-être aussi ça sera diffusé. Va savoir. On s'en fout. Tu t'en fous? Hein, on s'en fout. Je m'en fous. Après tout, t'as absolument rien à te reprocher. Donc, et le spectacle continue. Et ben oui, j'ai quelque chose à me reprocher. Oui. Ben avoir non. Su, j'aurais dû avoir su. Ouais, t'aurais pas dû zapper, mais qui ne zappe pas quelque chose dans sa vie? Si elle s'interrogeait elle-même sur sa vie, peut-être qu'elle aura loupé un rendez-vous ici, un rendez-vous là. Et peut-être qu'elle ne serait pas contente qu'on lui en veuille à mort parce qu'elle a oublié une fois quelque chose dans sa vie. Tu sais, il faut, on dit toujours de... Relativiser. De pas jeter la pierre, tu vois, ou de regarder d'abord dans son jardin, quoi. Ouais. Et c'est pas toujours facile, hein. On peut en vouloir à quelqu'un sur le moment, mais je pense que ça doit être des choses éphémères. La rancune doit être éphémère. Ah oui, comme une fleur. Ben voilà. En parlant d'une fleur, est-ce que je peux la prendre en photo? Ben évidemment, tu vas la prendre. Tu vas la prendre, comme d'hab. Oui, exactement. Oups, je vois si on voit quoi. On se voit. Ben tu vas encore nous flasher. Ben oui. Ah, oh, tu veux que j'arrête le flash? Non. Ok, ça me dérange pas. Ben non. Oh, c'est bon, on finit avec ça. Parce qu'on le voit, j'espère qu'on le voit. Ah oh, oui, on le voit. Bon, oh, ça, c'est un beau. C'est un beau. Et c'est un vrai, c'est pas. Oui, c'est pas un film, là. C'est pas. Non. Puis il n'y a pas une doublure, c'est elle-même. C'est Isabelle. Et puis pareil, toi, c'était pas non plus une doublure. Ah non, oui. Piquant, oui, je suis le piquant. Allez, merci. Salut, mes appartements. Si, en tout cas. Et tu repars quand alors, toi? Un dimanche. Là, le dimanche. Oui, dimanche. Et voilà, heureux de t'avoir rencontré. Ben moi aussi, puis... à chaque fois. Et je t'envoie... Oui! Je vérifie si j'ai trouvé ton adresse mail, je dois l'avoir. Ben, je t'envoie un truc. Donc je t'enverrai des bonbons. Okay, une oui. fois, tu auras quelque chose à écouter. Oui, et à présenter. Et à présenter. Ok, ouais, voilà. Mais je vais attendre que tu sortes les 4 sites. Alors là... Tu vas attendre longtemps? Mais moi, c'est en 2024, hein, comme tu dis. Ouais, ben écoute, de toute façon, moi, je t'envoie le truc, après, t'en fais ce que t'en veux. Parfait. Je vais diffuser, même si toi, t'es pas mon invité, je peux le jouer comme je veux. Oui, voilà. On est libre, voilà. Voilà. Et en plus, on va te faire un truc. Ouais, mais en tout cas. Hey, mais ça serait bien que j'aille jouer au Québec. Oui, ben ça oui. Ça serait pas loin à venir. Oui, c'est... Ouais, moi, non, ça serait ouais, quelque part. Ouais, voilà. Et je te fais manger de la poutine. Ah, oh, ouais. Mais va pas au restaurant québécois où ils font de la poutine ici, c'est de la merde. Ah non, mais moi j'attendrai okay. d'être là-bas, j'en mangerai pas ici. Parfait. Je veux de la vraie, moi. Oui, on va aller manger ça chez Ashton. C'est Ashton? Ashton, oui. Ashton. A-S-C-H-T-O-N. Ashton. Ashton. Oui. Ça marche. Ah, merci. En tout cas, c'est peut-être la dernière fois. Ah, tu coupes quoi? Ben, je ne vais plus mon laisser passer. Ah bon? Zéro compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horaires de bonheur à revendre. Moi j'ai un Mac en croco, les plus beaux que Rocco, hybrides dans la nuit. La longueur de ses chaînes me déchaîne et je traîne sans lui. J'ai des airs au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horreurs au compteur, des trésors. Si vous aimez la glisse, la rondeur de mes cuisses, mon nom c'est Sandy. Si vous aimez mon vice, mon tarif de minuit, c'est 110. J'ai des airs au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horaires de bonheur à revendre. J'ai commencé à 20 ans, j'avais encore mes dents, je connaissais pas la neige. Celle qui réchauffe aujourd'hui, mes allées venues, presque nues. J'ai des airs au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horreurs au compteur, des trésors. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horaires de bonheur à revendre. Je m'appelle au septième, je vous emmène, chambre numéro 7, Sandy Butte. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.